Bonjour, je m'appelle Boudingue et je suis un geek. Crève en fleurs ! Non, pas ce genre de geek, hein. Plutôt ce genre de geek. Alors, copier-coller. Hop, je me spotage ici. Ou alors, ce genre. En fait, ça dépend du moment, de l'endroit. J'écoute aussi plein de sagas, comme Nullbuck, que tout le monde connaît. Reflet d'acide, que j'adore. Et le génialissime Xenosis. Et vous écoutez quel genre de saga? World of Netophonics. Découvrez, téléchargez, écoutez et commentez gratuitement sur www.netophonics.com. Et c'est légal. Enfin, je rajoute parce que les gens ne savent pas forcément. Et c'est mieux si c'est légal que illégal, non ?